La poésie philosophique et religieuse chez les persans d'après le Mantique Utahir, ou le langage des oiseaux de Fariduddin Attar. La topographie de la route mystérieuse. Le 22e oiseau demande à l'Aub des explications sur le voyage. Cette fois, l'Aub s'éloigne, dans sa réponse, des généralités philosophiques et mystiques qui distinguent les allocutions précédentes, et elle décrit, aussi nettement que le sujet le comporte, la topographie de la route mystérieuse qui doit conduire les oiseaux à Simorg, c'est-à-dire les hommes à Dieu. Cette route passe au travers de sept vallées, ce sont celles de la recherche, Talab, de l'amour, Ishq, de la connaissance, Marifat, de la suffisance, Istinia, de l'unité, Toïd, de l'étonnement, Aïrat, enfin de la pauvreté, Fakr, et de l'anéantissement, Fana. Ces deux dernières dénominations ne désignant qu'une seule vallée. On comprend aisément que les sept vallées dont il s'agit ici ne sont autre chose que les sept degrés du spiritualisme, degrés que quelques auteurs soufis réduisent à trois ou quatre, et que d'autres portent à 40. On a vu aussi dans ces sept vallées les sept cieux que Mahomet parcourut le jour du mirage, c'est-à-dire de sa prétendue ascension au ciel. Selon les auteurs qui comptent 4 degrés à passer avant de parvenir à la suprême béatitude, le premier c'est le Nasut, humanité, dans lequel l'homme doit obéir à la loi Char, le deuxième, le Tarikat, le chemin, dans lequel il atteint le Jabrat, pouvoir, d'être admis dans la voie du spiritualisme sous un pire, le troisième est le Haruf, connaissance, surhumaine, enfin le quatrième est le Hakikat, la vérité, confère, Cowell, Oxford Essai. Je ferai observer, avec feu de Sassi, Pandnamé, page 171, que la distinction des sept vallées que doivent parcourir les oiseaux n'est pas bien marquée, et qu'il est difficile de reconnaître entre elles une gradation rationnelle. On va en juger par des citations textuelles. L'Aub prend d'abord, en s'adressant à son interlocuteur, une précaution oratoire. « Nous avons, lui dit-elle, cette vallée à franchir, et ce n'est qu'après ces vallées qu'on découvre le palais de Simorg. Personne ne revient dans le monde après avoir parcouru cette route. Comment veux-tu donc qu'on puisse t'instruire à ce sujet de manière à calmer ton impatience, insensé que tu es, puisque tous les mortels se sont égarés dans ce chemin, comment pourront-ils t'en donner des nouvelles ? Ici l'Aub énumère les sept vallées après lesquelles on ne peut avancer. Là, dit-elle, on est attiré, et cependant on ne peut continuer sa route, une seule goutte d'eau sera pour toi l'océan. Aussitôt, continue ensuite l'Aub, que tu seras entré dans la première vallée, celle de la recherche, la peine et la fatigue ne cesseront pas de t'assaillir. Il te faudra passer plusieurs années dans cette vallée à faire de pénibles efforts pour avancer et pour changer d'état. Il te faudra renoncer, en effet, à ton état actuel, et te jouer de tout ce que tu possèdes. Il te faudra entrer dans une mare de sang en renonçant à tout, et quand tu auras la certitude que tu ne possèdes plus rien, il te restera encore à détacher ton cœur de tout. Lorsque ton cœur sera ainsi sauvé de la perdition, la pure lumière du ciel l'éclairera, alors, les désirs se multiplieront à l'infini. Y aurait-il sur cette route un feu ardent et 1000 nouvelles vallées plus pénibles à traverser les unes que les autres, que l'homme mû par l'amour s'y engagerait résolument et se précipiterait, comme le papillon, au milieu de la flamme. Poussé par son amour, Il se livrera à la recherche de l'être infini, il demandera à son échanson une gorgée des doctrines spirituelles. Lorsqu'il en aura bu quelques gouttes, il oubliera les deux mondes. Submergé dans l'océan de l'immensité, il aura cependant les lèvres sèches, et il ne pourra demander qu'à son âme seule le secret de l'éternelle beauté. Si en ce moment la foi et l'infidélité se présentaient ensemble à lui, il les recevrait également volontiers, pourvu qu'elle lui ouvrisse la porte qui doit le conduire à son but. En effet, quand cette porte lui est ouverte, que lui importe la foi ou l'infidélité, puisqu'il n'y a là ni l'une ni l'autre? Par cette exagération orientale, attar veut dire que lorsqu'on a le bonheur de posséder Dieu, que la foi reconnaît et que l'incrédulité nie, la foi et l'infidélité deviennent nulles devant la réalité. Le célèbre poète hindoustani Soda a dit dans le même sens, « Je n'ai pas plus de considération pour l'islamisme que pour l'infidélité, je ne recherche que la coupe de vin et les chansons, Dieu. » Confère, Rational Grammar par Gilles Christs. Ewali, non. L'âme véritable n'a pas besoin du paradis, celui qui cherche l'être qui n'occupe pas point de place a-t-il besoin d'un lieu pour l'adorer? Confère, Aventure de Kemrup par Tassinal Din. Le discours de la Huppet ici interrompu par une série d'anecdotes à travers lesquelles Attar poursuit son dogme chéri de l'indifférence à tout, excepté au salut éternel, qui est pour lui l'unification en Dieu. Si tu mets de la différence, dit-il, entre le diamant et la pierre que tu tiens également de Dieu, tu n'es pas un homme de la voie spirituelle. Si tu te trouves honoré par le diamant et déshonoré par la pierre, Dieu n'est pas avec toi. Tu ne dois pas plus aimer le diamant que détester la pierre, car l'une et l'autre viennent de Dieu. Animé par un ardent désir et par l'espérance, l'homme ne doit pas craindre d'exposer sa vie, il ne doit pas s'arrêter un instant dans sa recherche, il ne doit pas demeurer un instant dans l'inaction. S'il s'arrête, il est violemment repoussé loin du chemin. Recueille-toi en toi-même, accroupi, posture soufie, comme l'enfant dans le sein de sa mère. Ne quitte pas l'intérieur pour te produire à l'extérieur. À défaut de pain, sache te nourrir de sang. C'est le sang seul qui nourrit l'enfant dans le sein de sa mère, et c'est de l'intérieur et non de l'extérieur qu'il vient. Si tu te laisses aller au moindre orgueil, tu n'es plus maître de ton cœur, tu perds ton intelligence comme si tu étais enivré par la boisson. Ne détourne pas la tête de ce chemin, jusqu'à ce qu'on t'y conduise, reste auprès de cette porte jusqu'à ce qu'elle te soit ouverte. N'aie pas les yeux fermés, cherche bien et tu trouveras. C'est ainsi que la Huppe termine les avis dont elle accompagne la description de la première vallée, la vallée de la recherche. Puis elle continue d'exposer la topographie de la route mystique qui conduit à l'être allégorique qui représente la divinité. La seconde vallée est celle de l'amour Yanadi, nuit neuvième, l'amour trouve une reconnaissance là où la science orgueilleuse échoue. Pour entrer dans la vallée de l'amour, Ishq, dit la Huppe, il faut se plonger dans le feu, que dis-je? On doit être du feu soi-même, car autrement on ne pourrait y vivre. Quand on aime véritablement on est pareil au feu, on a le visage enflammé, on est brûlant et impétueux comme le feu. Pour aimer, il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, il faut être disposé à se jeter dans les flammes et à y livrer son monde. Dans ce chemin, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Avec l'amour, en effet, ni le bien ni le mal n'existent plus. Mais tu es indifférent à ce discours, Il ne te touche pas, tu le repousses, tes dents ne peuvent y mordre. Tu dois ressembler au faucon, qui ne cesse d'être en proie au feu de l'agitation tant qu'il ne parvient pas à son but. Si le poisson est jeté par la mer sur la plage, il s'agite jusqu'à ce qu'il soit retourné dans l'eau. L'amour, dans cette vallée, est représenté par le feu, et la raison par la fumée. Lorsque l'amour vient, la raison s'enfuit au plus vite. La raison ne peut demeurer avec la folie de l'amour, l'amour n'a rien à faire avec la raison humaine. Il faut pour cet amour un homme éprouvé et libre. Tu n'as pas encore ce qui est nécessaire pour ce sentiment, que dis-je, tu es mort, comment y serais-tu propre? Nous arrivons actuellement à la troisième vallée, c'est-à-dire à celle de la connaissance, Marifat. Voici comment s'exprime la huppe à ce sujet. Lorsqu'on a franchi, dit-elle, les deux premières vallées, on aperçoit celle de la connaissance, qui n'a ni commencement ni fin, qui ne serait découragée par la longueur du chemin qu'il faut faire à travers cette vallée. Là, en effet, il n'y a pas de route tracée, aucun chemin n'est pareil à celui-là. Mais autre est le voyageur temporel, autre le voyageur spirituel. L'âme progresse en perfection, tandis que le corps décline dans l'imperfection. Or, la vision spirituelle ne se manifeste aux créatures que dans les limites de leurs forces respectives. Comment, en effet, dans ce chemin que parcourut Abraham, l'ami de Dieu, une faible araignée pourrait-elle suivre le pas de l'éléphant? La marche de chaque individu est relative à l'excellence qu'il a pu acquérir, et il ne s'approchera du but qu'en raison de sa préparation. Si un moucheron volait de toute sa force, pourrait-il jamais égaler la rapidité du vent? Puisqu'il y a donc différentes manières de parcourir un espace, chaque oiseau ne peut voler de même. Dans cette vallée, la connaissance spirituelle a différentes faces. Les uns y trouvent le mirabe, les autres l'idole. Lorsque le soleil de la connaissance brille à la voûte de ce chemin, qu'on ne saurait convenablement décrire, chacun en est éclairé selon sa disposition, et il trouve le rang qui lui est assigné dans la vérité. Le mystère se manifestera dans le feu, et ainsi la fournaise du monde deviendra un jardin de fleurs. Allusion à la légende apocryphe de la fournaise où fut jeté Abraham. L'adepte verra l'amande au travers de sa pellicule, c'est-à-dire Dieu à travers les voiles sensibles. Il ne se verra plus lui-même, il ne verra que son ami. Dans tout ce qu'il verra, il verra sa face, dans chaque atome, il verra le tout. Il apercevra sous le voile des milliers de secrets aussi brillants que le soleil. Mais combien d'individus ne se sont-ils pas perdus dans cette recherche, pour un seul qui a pu découvrir ces mystères? Il faut être parfait, si on veut franchir cette route difficile et se plonger dans cette mer orageuse. Quand même tu atteindrais de la main le trône glorieux, ne cesse pas un instant de prononcer ces mots du Coran, 50-29, n'y a-t-il rien de plus? Ce monde, palais de douleur, est toute obscurité, mais la science spirituelle y brille comme une lampe pour éclairer le chemin. Ce qui, en effet, guidera ton âme dans ce lieu obscur, c'est le joyau de la science, de cette science qui dilate le cœur, car, dans ces ténèbres qui n'ont ni commencement ni fin, tu es comme Alexandre, sans guide. Si tu restes en arrière dans ce chemin, malheur à toi, tu te perdras et n'auras d'autres ressources que les larmes. Si tu te prives de dormir pendant la nuit et que tu ne boives pas de vin pendant le jour, tu pourras trouver ce que tu cherches, Mais il est inutile que tu te livres à cette recherche si tu ne peux t'imposer ces privations. Celui qui a longtemps supporté la veille a eu son cœur éveillé quand il s'est approché de Dieu. Puisqu'il faut se priver de sommeil pour avoir le cœur éveillé, dors peu, et tu conserveras ta fidélité. Si tu te contentes du royaume de ce monde, tu perdras celui de l'éternité. La vraie royauté réside dans la connaissance spirituelle, fais tes efforts pour y parvenir. Celui qui s'est enivré de la contemplation des choses spirituelles est roi parmi les créatures. Pour lui le royaume de la terre n'est qu'une possession vulgaire, et le ciel n'est qu'un navire de l'océan. Après les réflexions dont la huppe fait suivre la topographie de la troisième vallée, elle décrit la quatrième. Voici ce tableau, dont l'obscurité mystique ne le cède en rien au précédent. Vient ensuite, dit la huppe, la vallée de la suffisance, Istinia, là, il n'y a ni prétention à avoir, ni sens spirituel à découvrir. De cette atonie de l'âme il s'élève un vent froid dont la violence ravage en un instant un espace immense. Les sept océans ne sont plus alors qu'une mare d'eau, les sept planètes qu'une étincelle, les sept cieux qu'un cadavre, les sept enfers que de la glace brisée. Souviens-toi que pour qu'Adam fût éclairé de la lumière céleste, des milliers d'êtres aux vêtements verts furent brûlés par l'affliction. Je pense que c'est une allusion à la légende de l'adoration d'Adam par les anges couverts des vêtements verts du paradis. Ce ne fut pas en effet sans répugnance, selon cette légende, qu'ils adorèrent Adam. Beaucoup même d'entre eux, ayant Satan à leur tête, refusèrent d'obéir à Dieu sur ce point. Pour que Noé fût sauvé dans l'arche, des milliers de corps furent privés de la vie. Des milliers de moucherons tombèrent sur l'armée d'Abraham, pour que ce roi levât le siège de la Mecque, et des milliers d'enfants eurent la tête tranchée, par l'ordre de Pharaon, pour que Moïse vît Dieu. Des milliers d'hommes prirent la ceinture des chrétiens pour que Christ fût le maram des secrets de Dieu. Des milliers d'âmes et de cœurs furent au pillage pour que Mahomet montât une nuit au ciel. Si tu voyais le monde brûler jusqu'au cœur par le feu, ce ne serait qu'un songe au prix de la réalité. Les milliers d'âmes qui tombent sans cesse dans cet océan sans limite ne sont qu'une légère et imperceptible rosée. Ainsi des milliers d'individus se livreraient au sommeil sans provoquer par là le soleil à les couvrir de son ombre. Quand même les deux mondes seraient anéantis tout à coup, il ne faudrait pas nier l'existence. Si la partie et le tout cessaient d'exister, ne resterait-il pas un fœtus sur la face de la terre? Quand même les neuf coupoles de l'univers seraient détruites, on pourrait se contenter d'une goutte d'eau des sept océans. Ces derniers mots font peut-être allusion à la doctrine de Thalès de Milet, déjà mentionnée, ou bien ils sont simplement le développement de la pensée qui précède sur le fœtus, qui peut servir d'élément à la reproduction du monde. La même pensée s'applique avec justesse à la résurrection des corps dispersés en parcelles, ou réduits en poussière, et rendus à une existence spéciale par un miracle de la toute-puissance de Dieu. Un peu plus loin, Attard parle de l'avancement dans la voie spirituelle. Cette vallée, dit-il, n'est pas aussi facile à franchir que ton ignorance peut le faire croire. Quand même tu parcourais toutes les routes possibles du monde, tu te trouverais toujours, si tu y fais attention, au premier pas. En effet, aucun voyageur spirituel n'a vu le terme de son voyage. Nul n'a trouvé le remède de son amour. Si tu t'arrêtes, tu es pétrifié, ou bien tu meurs et tu deviens un cadavre. Si tu continues à marcher, et que tu avances toujours dans ta course, tu entendras jusqu'à l'éternité ce cri, avance encore, il ne t'est permis ni d'aller en avant, ni de t'arrêter. Attar explique ici, par une ingénieuse comparaison, le néant du monde. Ne sais-tu pas, dit-il, comment l'astrologue procède quand il veut chercher un horoscope? Il prend une tablette recouverte de sable, il y trace la figure du ciel et de la terre, des étoiles et des planètes, des constellations et des signes du zodiaque, du lever et du coucher des astres. Puis il en tire de bons ou de mauvais augures, il fixe le moment de la naissance et celui de la mort. Quand il a terminé ses opérations, il rejette la tablette, les figures s'effacent, et on dirait qu'elles n'ont jamais existé. Or, le monde n'a pas plus de consistance que ses figures astrologiques. Dans la vallée de la suffisance, il ne doit plus rester pour le voyageur aucune trace des deux mondes, mais tu n'as pas le courage d'y entrer. En effet, serais-tu lourd comme la montagne, co, que tu serais ici aussi léger que la paille, ca. Nous voici arrivés actuellement à la cinquième vallée, à l'importante vallée de l'unité, Toïde. C'est ici que la Hube va encore prêcher aux oiseaux l'unité absolue des êtres, et par suite celle des actions ou leur indifférence. Ensuite, dit-elle à son interlocuteur et en sa personne à l'ordre entier des oiseaux, tu auras à traverser la vallée de l'unité, lieu de l'anéantissement de toutes choses et de leur unification. Quoique tu vois dans ce chemin beaucoup d'individus, il n'y en a en réalité qu'un petit nombre, que dis-je, il n'y en a qu'un seul. Ce qui se présente à toi comme unité n'est pas différent de ce qui se compte. Le monde visible où se trouve à la fois l'honneur et l'infamie est semblable à un palmier fait avec de la cire diversement coloriée. Si quelqu'un manie cet arbre, il redevient comme auparavant, une masse informe de cire. Puisqu'il en est ainsi, va, et sois convaincu que les couleurs que tu admirais ne valent pas une obole. Puisqu'il y a unité, il ne peut y avoir dualité. Ici ni le moi ni le toi ne peuvent surgir. Dans cette vallée, l'œil de l'homme n'aperçoit rien d'accessible au sens. Là, il n'y a ni Kaaba, ni pagode. L'homme étant l'être infini, par lui et avec lui, et il est en dehors de ces trois choses. Quiconque ne s'est pas perdu dans l'océan de l'unité, serait-il Adam lui-même, n'est pas digne d'appartenir à l'humanité. Qu'on soit du nombre des bons ou des méchants, on trouvera toujours un soleil de grâce dans le giron du monde invisible. Il viendra un jour où ce soleil rejettera le voile qui le cache. Quiconque est parvenu auprès de ce soleil est indifférent au bien et au mal. En effet, tant que tu vis individuellement, le bien et le mal existent pour toi, mais lorsque tu es perdu dans ce soleil, tout devient amour. Ici, le poète s'aperçoit qu'il se perd dans sa théorie unitaire, et il s'écrie « Ô Attar !» Cesse tes discours métaphoriques et reprend la description de la vallée mystérieuse de l'unité. En effet, le zélé soufi reprend la description tout aussi métaphorique de la cinquième vallée. Lorsque le voyageur de la vie spirituelle, dit-il, entre dans cette vallée, il disparaît ainsi que la terre qu'il foule aux pieds. Il sera perdu. Parce que l'être unique sera manifeste, il restera muet, parce que cet être parlera. La partie deviendra le tout, ou plutôt elle ne sera ni partie ni tout, elle sera comme une figure sans corps ni âme. Dans l'école de ce secret merveilleux, tu verras des milliers d'intelligences les lèvres desséchées par le mutisme. Qu'est-ce en effet que l'intelligence ? Elle est tombée sur le seuil de la porte comme l'aveugle-né. Celui au contraire dont l'esprit est illuminé par l'éclat de ce mystère, détourne la tête du royaume des deux mondes. L'être que j'annonce n'existe pas isolément. Tout le monde est cet être. Existence ou néant, c'est toujours cet être. Attar quitte enfin la cinquième vallée et arrive à la sixième, qui est celle de l'étonnement, Ayrat, c'est-à-dire du degré de la vie spirituelle où l'âme est dans un tel état de stupéfaction qu'elle ignore si elle existe ou si elle a cessé d'exister. Voici en quels termes Attar décrit la vallée qui représente ce degré mystique. Après la cinquième vallée, dit l'Upose oiseau, on trouve celle de l'étonnement. Là, on est en proie à la tristesse et au gémissement. Là, chaque respiration sort de la poitrine comme une épée, chaque souffle est un amer soupir. Ce ne sont que plaintes, que douleurs, quart d'heure brûlante. C'est à la fois le jour et la nuit, mais ce n'est ni la nuit ni le jour. Là, de l'extrémité de chaque cheveu, sans qu'il soit même coupé par les ciseaux, on voit dégoutter du sang. Là un feu dévorant attaque l'homme, il est brûlé et consumé par l'amour. Comment dans sa stupeur pourrait-il avancer? Il restera ébahi et se perdra en chemin. Celui qui a gravé dans son cœur l'unité, Toïd, oublie tout et s'oublie lui-même. Si on lui dit, es-tu ou n'es-tu pas? Reconnais-tu ou méconnais-tu l'existence? En fais-tu partie ou es-tu en dehors? Es-tu sur le bord de cet océan? Es-tu visible ou invisible? Es-tu périssable ou immortel? Es-tu l'un et l'autre à la fois, ou ni l'un ni l'autre? As-tu enfin le sentiment de ton existence ou ne l'as-tu pas? Il répondra positivement, je n'en sais rien. Je l'ignore et je m'ignore moi-même. Pour bien faire comprendre ce qu'il entend par l'étonnement, Attar offre le tableau de ce sentiment tel qu'on peut l'éprouver, même pour des choses temporelles. Il suppose que les jeunes compagnes d'une princesse voulurent un jour s'amuser aux dépens d'un esclave. Elles lui firent boire du vin dans lequel elles avaient eu soin de jeter une drogue narcotique, et, lorsqu'il fut endormi, elles le firent transporter dans le harem. Au milieu de la nuit, quand l'esclave se réveilla, il se trouva sur un canapé doré, entouré de bougies parfumées, de cassolets d'aloès et de femmes charmantes dont les chants le ravirent. Il éprouva alors l'état d'ébahissement dont Attar veut donner une idée. Déconcerté, dit le poète, et stupéfait, il ne lui resta ni raison ni vie. Il n'était plus dans ce monde, et il n'était pas dans l'autre. Son cœur était plein d'amour pour la belle princesse qui présidait à la réunion, mais sa langue était muette. Son esprit était en extase. Au matin, on ramena l'esclave à son poste par le procédé de la veille. À son réveil, le souvenir cruel de la nuit passée lui arracha des cris involontaires. Il déchira ses vêtements, il mit ses cheveux en désordre et jeta de la terre sur sa tête. On lui demanda ce qu'il avait, mais il ne sut que répondre. Il ne put dire si ce qu'il avait vu était un songe ou une réalité, s'il avait passé la nuit dans l'ivresse ou en pleine possession de ses facultés. Ce qu'il avait vu avait fait une profonde impression dans son esprit, et cependant il n'en trouvait pas une trace certaine. Il avait contemplé une ineffable beauté, et il n'avait pas cependant la certitude de l'avoir vue. Il n'avait retiré de cette vision que trouble et incertitude. Nous voici enfin à la septième vallée ou étape du chemin du ciel. Dernier degré de la vie spirituelle auquel Attar donne le double nom de vallée du dénuement, Fakhr, et de la mort ou anéantissement spirituel, Fana, parce que ce degré exige le détachement absolu de la vie extérieure et de tout ce qui peut la faire aimer. Après la sixième vallée, dit la Huppe, Vient enfin celle du dénûment et de la mort, dont il est impossible de faire l'exacte description. Ce qu'on peut nommer l'essence de cette vallée, c'est l'oubli, le mutisme, la surdité et la pâmoison. C'est là que l'homme voit s'évanouir, par un seul rayon du soleil de la spiritualité, les milliers d'ombres éternelles qui l'entouraient. Lorsque l'océan de l'immensité agite ses vagues, comment les figures qui sont tracées sur sa surface pourraient-elles subsister? Or ces figures ne sont autre chose que le monde présent et le monde futur, que nous devons, en effet, considérer comme un pur néant. Celui qui s'est perdu dans cet océan y est pour toujours en repos. Dans cette mer paisible, il ne trouve autre chose que l'anéantissement. Le bois d'aloès et le bois de chauffage, mis au feu, se réduisent également en cendres, sous deux formes, ils ne sont qu'une même chose, et cependant leurs qualités sont bien distinctes. Un objet immondable au tomber dans un océan d'eau de rose, il restera dans l'avilissement à cause de ses qualités impures, mais si une chose pure tombe dans le même océan, elle perdra son existence particulière, et en cessant d'exister isolément, elle participera à la beauté de cet océan. Ces dernières pensées ont trait à la doctrine de la métempsycose, qui est admise par les soufis, ainsi qu'on l'a vu dans le 8e article de leur symbole. En effet, l'âme épurée seule peut s'unifier à Dieu, rien d'impur ne peut s'y joindre. C'est au moyen de la métempsycose que ce résultat s'obtient pour la généralité des hommes. Les soufis seuls ne sont pas destinés à languir sur la terre, mais les méchants y sont tenus longtemps dans différents corps, comme en enfer, en punition de leurs péchés. Pour bien expliquer ce qu'il entend par le dénûment, Fakhr, et par la mort, Fana, Attar les compare au brûlement du papillon à la flamme de la bougie, et il cite à ce sujet une parabole qui rappelle l'ingénieuse allégorie de Mukadesi sur le même sujet. Écoutons Attar. Une nuit, dit-il, les papillons se réunirent tourmentés du désir de s'unir à la bougie. Ils furent tous d'avis qu'il fallait qu'un d'eux puisse en informer et leur en donner des nouvelles. Un papillon fut envoyé jusqu'à un château lointain, et il aperçut dans l'intérieur la lumière de la bougie. Il revint et rapporta ce qu'il avait vu. Il se mit à faire la description de la bougie selon la mesure de son intelligence, mais le papillon judicieux qui présidait cette réunion dit que le papillon explorateur n'avait aucune connaissance de la bougie. Un autre papillon alla passer auprès de la lumière et s'en approcha d'assez près. Il toucha de ses ailes la flamme de l'objet de son désir, la bougie fut victorieuse et il fut vaincu. Il revint lui aussi, et il dit quelque chose sur le mystère à découvrir, il expliqua un peu en quoi consistait l'union avec la bougie. Mais le chef des papillons trouva que son explication n'était guère plus satisfaisante que la première. Un troisième papillon se leva, ivre d'amour, il alla se précipiter éperdument sur la flamme de la bougie. Il se perdit lui-même et s'identifia joyeusement avec la flamme, il s'embrasa complètement, et son corps devint rouge comme le feu lui-même. Lorsque le chef de la réunion vit de loin que la bougie s'était identifiée le papillon et lui avait donné ses qualités, ce papillon, dit-il, a appris ce qu'il voulait savoir, mais lui seul le comprend, et voilà tout. En effet, celui qui a perdu la trace et l'indice de sa propre existence saura ce que c'est que l'anéantissement. Tant que tu n'ignoreras pas ton corps et ton âme, tu méconnaîtras l'objet qui mérite ton amour. La terrible description des sept, mystérieuses vallées, était bien faite pour décourager les oiseaux, Ossiatar nous apprend-il qu'après l'avoir entendu, ils eurent le cœur serré et la tête basse. Tous comprirent, dit-il, que cet arc difficile à tendre ne convenait pas à un poignet impuissant. Ils furent donc terrifiés par le discours de la huppe, et un bon nombre d'entre eux moururent au lieu même de la réunion. Quant aux autres oiseaux, ils consentirent, malgré leur stupéfaction, à se mettre en route. Ils voyagèrent pendant des années entières par mont et par veaux, et une grande partie de leur vie s'écoula pendant ce temps. Comment développer d'une manière exacte ce qui leur arriva dans ce long chemin? Il faudrait pouvoir y entrer soi-même un instant pour y jeter un coup d'œil et en voir toutes les sinuosités. On saurait alors ce que firent ces oiseaux, on apprendrait tout ce qu'ils souffrirent. À la fin, une bien petite partie de cette troupe parvint au but. Les uns furent submergés dans l'océan, les autres furent anéantis et disparurent. D'autres périrent sur la cime de hautes montagnes, dévorés par la soif et en proie à toutes sortes de maux. D'autres, par l'effet de la chaleur du soleil, eurent les plumes brûlées et le cœur desséché, d'autres furent tristement dévorés, en un instant, par les tigres et les panthères du chemin, tombant saisis de terreur, sans résistance, entre leurs griffes. D'autres moururent de fatigue dans le désert. D'autres s'entretuèrent follement pour un grain, d'autres éprouvèrent toutes sortes de peines et de fatigues, et finirent par rester en route sans pouvoir atteindre à leur but. D'autres, ébahis par la vue des phénomènes de la route, s'arrêtèrent ensemble au même endroit, d'autres, occupés seulement de curiosité et de plaisir, périrent sans songer à l'objet de leur recherche. Les oiseaux qui s'étaient mis en route remplissaient le monde, et il n'en arriva que 30, encore ces oiseaux étaient-ils sans plumes ni ailes, épuisés et abattus, le cœur brisé, l'âme affaissée, le corps harassé de fatigue. L'allégorie d'Attar est belle, il me semble. Elle présente le tableau de l'effrayante vérité du petit nombre des élus. C'est une éloquente parabole destinée à appeler l'attention sur ce dogme terrible. Markendanarchive.org 2021, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.